Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 21. De la présomption. Notion de la présomption. On montre qu'elle est un péché. Son opposition spéciale à l'espérance. Sa cause. 1. La présomption se confie-t-elle en Dieu ou en la vertu propre de l'homme? L'espérance excessive que l'on a, soit en sa propre vertu, soit en la vertu de Dieu, est de la présomption. L'espérance en notre propre vertu est de la présomption, lorsque nous croyons pouvoir acquérir par nous-mêmes un bien qui dépasse nos facultés. De là cette parole de Judith, 6, 15, « Vous humiliez ceux qui présument d'eux-mêmes ». L'espérance en la puissance de Dieu devient de la présomption, dès que l'on attend un bien qui, quoique possible en soi à obtenir avec le secours de la puissance et de la miséricorde divine, ne l'est cependant pas dans les conditions et les bornes que l'on met à son espérance. C'est le cas d'un pécheur qui espère obtenir le pardon sans repentir ou la gloire sans mérite. 2. La présomption est-elle un péché? Il est faux que Dieu pardonne à ceux qui persévèrent dans le péché ou qu'il glorifie ceux qui ne font pas de bonnes œuvres, comme le voudraient croire les présomptueux. La présomption, qui résulte de cette idée erronée, est un péché, bien qu'elle soit un moindre péché que le désespoir. Car il convient mieux à Dieu de faire miséricorde et de pardonner que de punir. Il est dans sa nature d'user de clémence, le châtiment ne lui appartient qu'à raison de nos péchés. Note. Péché avec l'espérance d'obtenir un jour le pardon de sa faute, moyennant le repentir et le ferme propos, n'est pas de la présomption. Au contraire, cette disposition diminue le péché, en ce qu'elle suppose une volonté moins attachée au mal. Fin de la note. 3. La présomption est-elle plus opposée à la crainte qu'à l'espérance? La présomption, sans doute, est opposée à la crainte, et surtout à la crainte servile, qui a pour objet les châtiments divins, dont le présomptueux espère la remise. Mais la fausse ressemblance qu'elle a avec l'espérance montre qu'elle est plus directement opposée à cette dernière vertu, dont elle implique le dérèglement à l'égard de Dieu. 4. La présomption vient-elle de la vaine-gloire? Il y a deux sortes de présomptueux, les uns, pleins de confiance en leur propre vertu, entreprennent comme possible ce qui la dépasse. Leur présomption provient de la vaine gloire. Ils recherchent surtout ce qui excite l'admiration par la nouveauté. La présomption des nouveautés, dit saint Grégoire, est fille de la vaine gloire. Les autres, s'appuyant d'une manière déréglée sur la puissance ou sur la miséricorde de Dieu, espèrent la gloire sans mérite et le pardon sans repentir. Cette confiance présomptueuse paraît provenir directement de l'orgueil. Les hommes de cette espèce ont une idée si avantageuse d'eux-mêmes qu'ils se persuadent que Dieu ne les punira pas ou ne les exclura pas du ciel pour leurs péchés. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.